Très bien, Eliman. Voici le astérisque astérisque chapitre 1.3 astérisque astérisque rédigé avec la même rigueur et le même style que les précédents, en me basant sur vos recherches et les sources disponibles. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui et reprendrons demain si vous le souhaitez. Dies dies astérisque astérisque chapitre 1.3, l'entrée en politique et la fondation du PASTEF, 2014-2019, de la contestation à l'action astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque Yves 2014, la fondation du PASTEF, un parti en rupture avec l'establishment astérisque astérisque. Astérisque astérisque janvier 2014, Dakar astérisque astérisque. Après des années de combat syndical et une radiation qui l'a propulsé sur le devant de la scène, Ousmane Sonko décide de franchir une nouvelle étape, astérisque astérisque entrée en politique astérisque astérisque. Le astérisque astérisque 26 janvier 2014 astérisque astérisque, il fonde le astérisque astérisque PASTEF astérisque astérisque, astérisque Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité astérisque, un parti qui se veut une astérisque astérisque alternative radicale astérisque astérisque aux formations politiques traditionnelles. Astérisque astérisque pourquoi créer le PASTEF, astérisque astérisque. Astérisque astérisque un constat d'échec astérisque astérisque, les partis existants, Parti Socialiste, PDS, APR, sont perçus comme corrompus, clientélistes et déconnectés des réalités du peuple. Astérisque astérisque une vision panafricaine astérisque astérisque, Sonko veut un parti qui dépasse les clivages ethniques et régionaux, en s'inspirant des luttes anticoloniales de Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah. Astérisque astérisque un programme clair astérisque astérisque, souveraineté économique, justice fiscale, refonte des institutions, et rupture avec le franc CFA. Astérisque astérisque un parti différent astérisque astérisque. Contrairement aux autres formations, le PASTEF se distingue par astérisque astérisque un refus des alliances avec l'establishment astérisque astérisque, pas de compromis avec les partis traditionnels. Astérisque astérisque un ancrage populaire astérisque astérisque, cibler les jeunes, les classes moyennes et les exclus du système. Astérisque astérisque un discours radical astérisque astérisque, dénoncer sans détour la corruption, le néocolonialisme et les inégalités. Astérisque astérisque réactions initiales astérisque astérisque. Les médias et la classe politique sénégalaise accueillent le PASTEF avec astérisque astérisque scepticisme astérisque astérisque. On qualifie Sonko de trop radical, des utopistes, voire de danger pour la stabilité. Pourtant, le parti gagne rapidement en popularité, notamment auprès des jeunes, qui voient en Sonko un astérisque astérisque porte-parole de leur colère astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque 2. 2014-2017, les premières batailles au construire une alternative astérisque astérisque. Les trois premières années du PASTEF sont marquées par des astérisques astérisques défis internes et externes astérisque astérisque, mais aussi par des succès qui assoient sa crédibilité. Dies dies dies dies astérisque astérisque 1. Structurer le parti astérisque astérisque. Sonko et son équipe, dont astérisque astérisque Bassirou Diome Faye astérisque astérisque, futur président, travailla. Astérisque astérisque implanter le PASTEF dans tout le Sénégal astérisque astérisque, avec un focus sur les zones rurales et les banlieues populaires. Astérisque astérisque former les militants astérisque astérisque à la doctrine du parti, souveraineté, éthique, fraternité. Astérisque astérisque créer des alliances stratégiques astérisque astérisque avec des mouvements sociaux, syndicats, associations de jeunes. Dies dies dies dies astérisque astérisque 2. Les premières élections, 2017, astérisque astérisque. En astérisque astérisque juillet 2017 astérisque astérisque, le PASTEF participe à ses premières astérisque astérisque élections législatives astérisque astérisque. Malgré des moyens limités, le parti obtient astérisque astérisque 3 sièges astérisque astérisque à l'Assemblée nationale, un score modeste mais symbolique. Sonko est élu astérisque astérisque député de Dakar astérisque astérisque, ce qui lui donne une tribune pour porter ses idées. Astérisque astérisque un discours qui marque les esprits astérisque astérisque. Lors de son investiture, il déclare. Astérisque nous ne sommes pas venus pour partager le gâteau du pouvoir, mais pour le redistribuer au peuple. Le Sénégal a besoin d'une rupture, pas d'une alternance cosmétique. Astérisque. Dies dies dies dies astérisque astérisque 3. La publication de Solutions, 2018, astérisque astérisque. En astérisque astérisque septembre 2018 astérisque astérisque, Sonko publie astérisque solution astérisque, un livre programme où il détaille sa vision pour le Sénégal. Une réforme fiscale pour taxer les riches et les multinationales. Une rupture avec le franc CFA et la création d'une monnaie souveraine. Un État décentralisé pour rapprocher le pouvoir des citoyens. Une politique agricole centrée sur la souveraineté alimentaire. Le livre devient best-seller et renforce sa crédibilité comme expert et homme d'action ». 2019, l'élection présidentielle, une révélation En février 2019, Ousmane Sonko se présente à elle élection présidentielle sous la bannière du PASTEF. Sa campagne est atypique pas de meeting fastueux il privilégie les rencontres dans les quartiers populaires et les zones rurales. Un discours direct il parle de corruption, de souveraineté et de justice sociale sans langue de bois. Une mobilisation massive des jeunes les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans sa campagne. Résultat, 15,67% des voix Il termine troisième derrière Macky Sall, réélu, et Idrissa Seck. Un score historique pour un outsider, qui prouve que le PASTEF est devenu une force politique majeure. Analyse du résultat un électorat jeune et urbain Sonko séduit les moins de 35 ans et les habitants des banlieues. Un rejet de l'establishment son discours anti-système résonne dans un Sénégal las des promesses non tenues. Une base solide pour l'avenir le PASTEF devient le premier parti d'opposition devant le PDS et les autres formations traditionnelles. 4. 2019 au 2021, la montée des tensions à un opposant sous pression Après l'élection, Sonko devient la cible numéro 1 du pouvoir. Macky Sall et son gouvernement multiplient les manœuvres pour le discréditer. 1. Les attaques judiciaires mars 2021 il est accusé de viol Paradjissar, une masseuse. Il dénonce un complot politique et refuse de se soumettre à la justice, qu'il juge aux ordres du pouvoir juillet 2021 il est arrêté après des manifestations monstres à Dakar. Son arrestation provoque des émeutes dans tout le pays, faisant plusieurs morts. Sa réaction on veut me briser, mais le peuple sénégalais ne se taira pas. Cette affaire est une tentative de liquidation politique. 2. La radicalisation du discours Face à la répression, Sonko durcit son ton. Il appelle à la désobéissance civile et à des manifestations massives Il dénonce un génocide politique contre ses partisans. Il promet une deuxième indépendance pour le Sénégal. Un tournant Ces événements transforment Sonko en symbole de la résistance Son image de victime du système renforce son capital politique, même si ses détracteurs l'accusent de populisme et de violence 2021-2022, vers la mairie de Ziguinchor, un ancrage local En janvier 2022 malgré les procès et les arrestations, Sonko se présente aux élections municipales Ziguinchor capitale de la Casamance. Il remporte le scrutin avec 56,31% des voix un triomphe qui consacre son ancrage dans cette région symbolique. Astérisque astérisque pourquoi Ziguinchor, astérisque astérisque. Astérisque astérisque un retour aux sources astérisque astérisque, il y a passé une partie de son enfance et de son adolescence. Astérisque astérisque un symbole politique astérisque astérisque, montrer que le pastef peut gagner même dans des bastions traditionnels. Astérisque astérisque une base pour 2024 astérisque astérisque, préparer les prochaines élections présidentielles. Astérisque astérisque un maire contestataire astérisque astérisque. En tant que maire, il lance des projets concrets. Astérisque astérisque la gratuité des transports scolaires astérisque astérisque. Astérisque astérisque un fonds de solidarité astérisque astérisque pour les familles pauvres. Astérisque astérisque des audits astérisque astérisque sur la gestion des ressources locales. Dièse astérisque astérisque 6. 2022-2023, la prison et la résistance, le martyr politique astérisque astérisque. En astérisque astérisque juillet 2023 astérisque astérisque, Sonko et astérisque astérisque condamné à 2 ans de prison astérisque astérisque pour corruption de la jeunesse. Il est astérisque astérisque incarcéré astérisque astérisque, mais son mouvement ne faiblit pas. Astérisque astérisque la stratégie de la résistance astérisque astérisque. Astérisque astérisque appel à la mobilisation astérisque astérisque, ses partisans organisent des astérisque astérisque manifestations hebdomadaires astérisque astérisque. Astérisque astérisque alliance avec Diome Faye astérisque astérisque, il désigne son bras droit, astérisque astérisque Bassirou Diome Faye astérisque astérisque, comme candidat à la présidentielle de 2024. Astérisque astérisque un discours depuis la prison astérisque astérisque, il utilise les réseaux sociaux pour continuer à s'adresser aux Sénégalais. Astérisque astérisque un tournant historique astérisque astérisque. En astérisque astérisque mars 2024 astérisque astérisque, Diome Faye est astérisque astérisque élu président astérisque astérisque avec 54% des voix. Dès son investiture, il astérisque astérisque libère Sonko astérisque astérisque et le nomme astérisque astérisque premier ministre astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque conclusion du chapitre 1.3 astérisque astérisque. De astérisque astérisque 2014 à 2024 astérisque astérisque, Ousmane Sonko parcourt un chemin extraordinaire. Astérisque astérisque 2014 astérisque astérisque, fondation du PASTEF, un parti marginal. Astérisque astérisque 2017 astérisque astérisque, élu député, première percée électorale. Astérisque astérisque 2019 astérisque astérisque, 15,67% à la présidentielle, révélation nationale. Astérisque astérisque 2021-2023 astérisque astérisque, répression, prison, mais aussi astérisque astérisque mobilisation sans précédent astérisque astérisque. Astérisque astérisque 2024 astérisque astérisque, astérisque astérisque premier ministre astérisque astérisque, après une victoire historique. Ce chapitre montre comment Sonko a transformé astérisque astérisque la contestation en action astérisque astérisque, faisant du PASTEF une force incontournable. Le prochain chapitre, astérisque astérisque chapitre 1.4 astérisque astérisque, abordera son rôle de astérisque astérisque premier ministre astérisque astérisque et ses réformes en cours. Dièse astérisque astérisque source du chapitre astérisque astérisque. Astérisque solution astérisque, Ousmane Sonko, 2018. Astérisque le PASTEF, une alternative pour le Sénégal. Astérisque, astérisque jeune Afrique astérisque, 2019. Compte rendu des élections de 2017, 2019 et 2022. Discours et interview d'Ousmane Sonko, 2014-2024. Article de astérisque Dakar Actu astérisque, astérisque CNews astérisque, et astérisque BBC Afrique astérisque sur les affaires judiciaires. Astérisque astérisque à demain, Eliman, astérisque astérisque nous reprendrons avec le astérisque astérisque chapitre 1.4 astérisque astérisque si cela vous convient. Dites-moi si vous souhaitez des ajustements sur ce chapitre avant de continuer. Visage souriant avec Yurior Livre.